Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Oh, oh, oh ma chérie, elle parle doucement, doucement. Ma chérie, n'aime pas les mouvements, mouvements. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Mais j'aimerais l'emmener, l'emmener, l'emmener. Pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de son cœur. Et je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. Où j'ai pour me baisser jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit, t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. À la maison avec ses copines et ses tontines. C'est qu'à polémique. Toute la journée sur les gens, ils vomissent, elles vomissent à croire qu'elles sont boulimiques. Si c'est comme ça, je reste tout seul à me faire du souci. Elle se traîne, je me fusille de façon. J'ai vu ta vraie facette. Et je traîne un homme riche, troisième du monde, nommé Richard. Et faire du shopping caviar et non du riche. Amen, amen, c'est Dieu qui donne. Amen, amen, c'est Dieu qui donne. Et je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre. Et je vous fais baisser jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin. Tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. J'suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. Chica ma solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gadou, qu'on reste propre comme une fraise. Tagada, angaye. La jambe vers le sommet. Je vais atteindre le sommet. Et je t'ai donné mon cœur. Et maintenant, c'est la guerre.